croyant, athée, impie, laïque ou laïcard, LSD, la série documentaire, c'est terminé pour cette semaine. Et si vous voulez aller mieux, bibliographie, lien, mais aussi nos podcasts à l'hôpital ou nos réécoutés en salle de réveil, et bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Et les belles pages, justement, c'est grâce à Marie-Bona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et pour le podcast, c'est aussi sur tout un tas d'autres plateformes. Et pendant 2 semaines, sur Tenk, la plateforme du documentaire, notre partenaire, vous pouvez regarder gratuitement le documentaire La Maison de la Radio de Nicolas Philibert. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, pour les 1 an du mouvement MeToo, nous rediffuserons notre exploration de la masculinité. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end sur France Culture, Une histoire particulière et une vie, une œuvre.